Section 39, deuxième partie, chapitre 8. Georges s'était de nouveau assis et il avait rapproché son siège de celui qu'occupait Charlotte. Elle était en face de lui, à deux pas sous son regard, attendant avec angoisse les paroles qui allaient tomber de ses lèvres qu'elle ne quittait pas des yeux. « C'est presque comme un confesseur que j'interviens ici, » dit-il, « au moins comme un médecin. Ne m'en veuillez donc pas des questions que je suis obligé de vous poser. Comment, depuis votre mariage, Emmanuel a-t-il été pour vous ?»« Le meilleur des hommes. J'étais fort accablée au moment de notre départ. Je venais de perdre mon père, et je me suis embarquée sous le coup du désespoir. On ne saurait imaginer quelle a été la bonté et la tendresse d'Emmanuel. Ce n'est pas cela que je veux vous demander. Je connais par moi-même cette bonté, et je serai partout le premier à la proclamer. C'est de son caractère que je veux parler, de son humeur. » « Le caractère le plus égal, l'humeur la plus patiente et la plus douce. »« Jamais d'irritation ni d'emportement. »« Jamais. Et cependant, il est certain que pendant les premiers mois au moins, j'ai mis sa patience et sa douceur à une rude épreuve. » »« C'était vous, à ce moment, qui étiez irritable ?» Georges dirigeait l'entretien à son gré, mais à cette question, Charlotte ne répondit pas. « Je croyais qu'il s'agissait d'Emmanuel, » dit-elle, « et non de moi. » « Sans doute, je ne me permets pas de vous interroger. Et en posant une question qui paraît vous toucher directement, c'est Emmanuel que j'ai en vue. Vous comprenez, en effet, sans qu'il soit nécessaire d'insister là-dessus, que si, par suite de certaines dispositions, vous excitiez quelquefois l'impatience d'Emmanuel, et si néanmoins il ne se laissait pas emporter, c'est qu'il était alors parfaitement maître de lui. C'est là ce que je désire savoir, et rien de plus. » « Il était parfaitement maître de lui, je vous l'affirme. » Il n'a jamais éprouvé des mouvements de tristesse, jamais des accès de mélancolie. Jamais pendant ces années de voyage. C'est seulement depuis notre retour et à notre arrivée au Charmeau que j'ai remarqué en lui des changements bizarres. Ah, il a changé ? Beaucoup. Dans quel sens ? Ceci est très important. Il restait souvent des heures entières sans parler, les yeux fixés sur moi, me regardant longuement, comme s'il voulait percer un mystère. Inquiet, plein d'angoisse. Alors il sortait tout à coup et je le voyais arpenter à grands pas les allées du parc, la tête basse, discutant tout seul et gesticulant. Voilà qui est significatif. Enfin, après ses longues promenades solitaires, il rentrait et il avait des mouvements d'expansion inexplicables, exactement comme un enfant qui a peur et qui a besoin de se faire plaindre ou caresser. Et cela ne vous tourmentait pas ? Au contraire, je cherchais sans cesse quelles pouvaient être les causes de ce changement d'humeur. Et vous n'en avez pas trouvé ? J'ai cru que le séjour au Charmeau pouvait jusqu'à un certain point expliquer son ennui. C'est un endroit sévère, au milieu des forêts, où l'on se trouve perdu, car la population du village ne se compose que de bûcherons et de braconniers, tous gens aussi rudes que le pays lui-même. Emmanuel ne craint pas l'isolement, il l'a bien prouvé par ses voyages. D'ailleurs, avec vous, il n'était pas isolé. Vous étiez là, comme dans un nid, au milieu des bois. Vos quatre années de tête à tête sur votre yacht se continuaient au Charmeau. Nous n'étions plus en tête à tête. Entre Emmanuel et moi, il y avait un tiers, sa préoccupation. J'en vins à croire aussi que cette préoccupation était causée par une sorte de mystère, que je ne pouvais alors éclaircir, mais que vous venez de m'expliquer en me disant que la mère d'Emmanuel s'est jetée dans un étang. Toutes les fois qu'on rappelait le souvenir de sa mère, il éprouvait une impression pénible, et il suffisait qu'on fît allusion à la pauvre madame, c'est ainsi qu'on dit au Charmeau en parlant d'elle, pour qu'il s'attristât. Vous voyez que le souvenir de sa mère l'épouvante. Au moins, il lui donne des accès d'humeur noire. Je ne le comprends que trop maintenant. Mais alors je croyais simplement qu'elle n'avait pas été heureuse pendant le temps qu'elle avait passé au Charmeau, et je trouvais tout naturel que mon mari s'affligeât lorsqu'on le ramenait à cette époque. Et depuis que vous êtes à Paris, comment est-il ? Il est presque redevenu ce qu'il était pendant nos voyages. Cependant, il a encore des journées sombres. Malgré les occupations que lui donne l'installation de votre maison ? Ces journées se présentent beaucoup moins fréquemment. Cependant, elles reviennent encore quelquefois. Et sans cause, puisque celle que vous trouviez dans votre séjour au Charmeau n'existe plus. Sans causes apparentes ? Il y en a donc de cachées que vous soupçonnez. Elle hésita un moment. « Je ne voudrais pas entrer dans ces explications, » dit-elle enfin. Cependant, il s'agit de la vie de votre mari, de votre avenir à tous deux, et il faut bien savoir si cette humeur noire a des causes ou si elle n'en a pas. Si elle en a, elle n'est pas très inquiétante. Au contraire, elle l'est beaucoup si elle n'en a pas. Je comprends votre insistance, mais il m'est impossible de répondre sur ce point. Mes soupçons sont trop vagues, et d'ailleurs, je ne pourrais pas vous les expliquer. Il la regarda longuement, et se sentant rougir, elle détourna la tête. « J'ai commencé par vous prévenir, dit-il, que dans cet entretien, j'étais un confesseur. Répondez-moi donc, si vous pouvez faire cet effort avec une complète sincérité. Emmanuel ne serait-il pas jaloux ?» Elle se leva vivement. « Notez, dit-il en la priant de se rasseoir, que je ne vous demande pas si cette jalousie est fondée. Cette question vous toucherait directement. Il est convenu que nous ne devons pas parler de vous. Je vous demande seulement si Emmanuel n'est pas tourmenté par la jalousie. Et vous savez aussi bien que moi que la jalousie peut exister sans que la personne qu'on aime ait rien fait pour la provoquer. Dans ce quoi, elle est le produit d'une sorte d'hallucination. Et vous sentez, n'est-ce pas, qu'il est du plus grand intérêt pour nous d'être fixés sur cette hallucination. C'est là le seul but de cette interrogation que je ne pouvais pas retenir, parce qu'elle s'est imposée à mon esprit pendant que vous m'expliquiez les différents symptômes constatés par vous chez Emmanuel. Charlotte étouffait. L'entretien était arrivé à un point où chaque parole était décisive. Qu'un mot lui échappa et elle se livrait. Elle n'était plus assez maîtresse d'elle-même pour peser ses réponses. Et elle avait conscience que sous la main de Georges, elle n'était qu'un instrument qui rendait les sons qu'on lui demanderait. Elle fit un dernier effort pour ne pas se laisser entraîner plus loin. « Je vous ai déjà dit que je ne pouvais pas répondre à cette question. Je vous le répète. Admettez la jalousie si elle vous paraît expliquer ses symptômes. Pour moi, je ne peux ni ne veux continuer l'entretien sur ce sujet. Mais, ma cousine, je ne le peux pas. Au reste, il me semble qu'au point où nous en sommes, ce qu'il importe maintenant, c'est de voir ce que nous pouvons faire pour Emmanuel. » Vous avez raison, et je vous remercie de m'associer ainsi à vous. Croyez que vous ne pouvez pas avoir un aide plus dévoué que moi, par tendresse pour Emmanuel d'abord, et puis aussi par amitié pour vous. Permettez-moi de vous expliquer ce que j'avais combiné quand je me suis décidé à avoir cet entretien avec vous. Je me disais, Charlotte, car c'est ainsi que je vous nomme toujours lorsque je pense à vous. Charlotte est sous la menace d'un danger qui peut fondre sur elle d'un moment à l'autre. Je serai là près d'elle, et le jour où ce danger éclatera, elle trouvera une main sur laquelle elle pourra s'appuyer. Vous savez bien que cela est impossible. Je le sais maintenant, parce que vous venez de me dire que c'était vous qui n'aviez pas voulu me revoir. Mais je ne le savais pas quand je faisais cette combinaison. Il me semblait alors tout naturel qu'étant menacé, vous voulussiez accepter l'appui de votre parent le plus proche. Et de votre ami, quand même. Mais, après ce que vous m'avez dit, je comprends que cela ne peut pas se réaliser, et je n'insiste pas. Il ne me convient pas d'essayer d'imposer mes services. Ce ne sont pas vos services que je refuse, mais vous devez comprendre que le passé nous défend cette intimité que vous trouviez toute naturelle. Je comprendrai tout ce que vous voudrez, ma cousine, et seulement ce que vous voudrez. Je suis à vous dans la limite qu'il vous plaira, de cœur tout entier. Pour le reste, je ne ferai que ce que vous voudrez. Ceci dit, parce qu'il fallait que ce fût dit, je vous promets que je ne parlerai plus de moi. C'est d'Emmanuel seul qu'il peut être question entre nous. Sans doute, mais pour le moment, je ne sais que vous dire, ni quel conseil vous donner. Il n'y a rien à faire, puisqu'il n'y a rien de déclaré. Il n'y a pas de remède pour prévenir les maladies mentales, alors surtout qu'elles sont héréditaires. Tout ce qu'on peut, c'est d'en retarder l'explosion par des soins, par des prévenances, par des précautions, par une tendresse intelligente et dévouée. Et pour cela, vous n'avez pas besoin d'aide. Il fallait seulement que vous fussiez averti du danger qui pouvait menacer Emmanuel. Et vous l'êtes. Maintenant, ce danger éclatera-t-il ou n'éclatera-t-il pas? C'est le secret de Dieu. Ce qui était capital, c'était que vous fussiez prévenu, afin de prendre vos précautions à l'avance. Voilà pourquoi j'ai cru devoir m'introduire près de vous, presque de force. Maintenant, je n'ai plus qu'à me retirer. » Il se leva. « Cependant, un mot encore. Si jamais ce que nous craignons se réalise, pensez, ma chère Charlotte, que je suis près de vous, et que vous n'avez qu'un signe à faire pour me voir accourir. Quoi qu'il se soit passé, je suis, je vous le répète, votre cousin, votre ami, et je veux ma part de vos chagrins, si vous en éprouvez. Heureuse, je vous laisserai à votre bonheur. Malheureuse, vous me trouverez près de vous. M'acceptez-vous ? » Elle se recueillit un moment la tête basse, puis relevant les yeux et lui tendant la main. « Je vous remercie, » dit-elle, « et j'accepte votre offre généreuse. » Il lui prit la main et la lui serra longuement. « Oh, Charlotte, Charlotte !»« Charlotte est morte. Vous ne trouverez plus que votre cousine, la femme de votre amie. » Il se dirigea vers la porte, mais une fois encore, il s'arrêta. « Une recommandation, » dit-il. Un conseil, si vous le permettez. Si j'ai bien compris ce que vous m'avez expliqué, je crois qu'il pourrait être dangereux qu'Emmanuel a pris ma visite. Il s'inquiéterait, il chercherait pourquoi j'ai voulu vous entretenir en particulier, et il pourrait très bien arriver à trouver que c'était pour vous parler de sa maladie. Vous ne sauriez vous imaginer combien ceux qui sont dans la position d'Emmanuel ont l'esprit subtil pour ces sortes de recherches. Se croyant menacés, pensant sans cesse à la maladie qui les effraye, ils se figurent que ceux qui les entourent n'ont eux aussi que cette seule préoccupation. Si Emmanuel se mettait cette idée dans la tête, je craindrais que cela n'eût pour lui les conséquences les plus graves. Je crois donc que vous devez cacher ma visite, ce qui d'ailleurs est facile. Je la tairai. Alors, au revoir. Adieu. Fin de la section 39.